Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Aujourd'hui, nous allons découvrir la leçon 8. La phrase clé du jour est... En règle générale, encore une fois, s'il vous plaît. Dans ce cas-ci, pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Le personnage principal de notre sketch est Anna, une étudiante internationale originaire de la Thaïlande. Nous allons voir aujourd'hui comment Anna se débrouille à l'université. Elle est actuellement assise dans la classe de japonais du professeur Suzuki. Écoutons maintenant le sketch de la leçon 8. La phrase clé aujourd'hui est... Encore une fois, s'il vous plaît. Ou pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Minasan, kore wo oboete kudasai. Shiken ni yoku demasu. Sensei, mou ichido onegai shimasu. Je vais maintenant vous expliquer ce sketch. Montrant du doigt le tableau noir, le professeur Suzuki a dit: Minasan, kore wo oboete kudasai. Vous tous, s'il vous plaît, mémorisez ceci ou apprenez-le par cœur. Minasan signifie vous tous. Kore signifie ceci. O indique l'objet d'une action. Oboete kudasai signifie mémoriser. Oboete kudasai est composé d'un verbe. Oboemasu mémoriser et de kudasai s'il vous plaît. Vous dites kudasai quand vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose. Dans ce cas-ci, kudasai a un sens différent que dans la leçon 7, n'est-ce pas? À ce moment-là, c'était une expression utilisée lorsqu'on achète quelque chose dans un magasin. Oui. Maintenant, pourquoi oboemas, mémorisé, devient-il oboete? Quand il est suivi de kudasai, ne peut-on pas dire oboemas kudasai? Non, on ne peut pas. D'abord, dans le cas de oboemas, la forme verbale mas s'emploie en fin de phrase. Quand on utilise un verbe en milieu de phrase, c'est-à-dire quand on ajoute d'autres mots après eux, on les conjugue. Ici, le verbe oboemas est conjugué pour devenir oboete. Lorsqu'on conjugue un verbe de cette manière en te, on parle de forme en te. Je vois. Si les verbes sont suivis de kudasai, s'il vous plaît, ils prennent la forme en te, c'est bien ça? Oui. Vous utilisez ensemble la forme verbale en te, oboete et kudasai, qui expriment une demande. Ainsi, oboete kudasai signifie « S'il vous plaît, mémorisez ceci » ou « Je vous demanderai de mémoriser ceci ». Vous faites ainsi une demande. Le professeur Suzuki dit « Shiken ni yoku demasu ». Ça revient souvent aux examens. « Shiken » signifie « examen ».« Ni » indique un point vers lequel un mouvement ou une action est dirigée. « Yoku » est un adverbe qui signifie « souvent ».« Demasu » signifie « se présente ». Tous les étudiants ont réagi lorsque le professeur a parlé d'examen. Et ? Et exprime une surprise. Après avoir dit « et », vous retenez votre souffle pendant un temps. Exerçons-nous à le dire. Et ? Anna dit alors « Sensei, mou ichido onegai shimasu. » Professeur, pourriez-vous répéter, s'il vous plaît ?« Sensei » signifie « un professeur ». Sensei est un mot qui fait référence à tous les professeurs. Le mot japonais pour enseignant d'université est kyōju. Mais les étudiants disent habituellement sensei lorsqu'ils appellent leur professeur. Mou ichido signifie encore une fois et onegai shimasu est une façon polie de formuler une demande. On dit mou ichido onegai shimasu lorsqu'on demande à quelqu'un de faire quelque chose de nouveau. Oui. Encore une fois, s'il vous plaît. Ou, dans ce contexte, pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? C'est la phrase clé du jour. C'est une expression pratique. Vous pouvez l'utiliser si vous n'aviez pas compris un message en japonais la première fois que vous l'avez entendu. Quand vous dites « mo », vous allongez la voyelle « o ». Exerçons-nous à le dire. Écoutons de nouveau le sketch de la leçon 8. La phrase clé aujourd'hui est « Encore une fois, s'il vous plaît. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît ?» Minasan, これを覚えてください。試験によく出ます。 先生、もう一度お願いします。 Passons maintenant à notre rubrique intitulée Enseignez-nous, professeur. La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Nous avons appris aujourd'hui comment formuler une demande. Il faut utiliser la forme verbale te et lui ajouter kudasai, s'il vous plaît, ou je vous demanderai de. Pourriez-vous nous en dire davantage? Demandons à notre professeur. Lorsque vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose en japonais, vous utilisez la forme verbale te, puis kudasai, s'il vous plaît, ou je vous demanderai de. Avec la forme en te, les verbes peuvent se terminer soit en te, soit en de. Par exemple, quand vous souhaitez demander aux autres de mémoriser quelque chose, vous employez la forme te du verbe oboemasu, mémoriser, qui est oboete, et vous dites kudasai. Si vous les combinez, cela donne oboete kudasai. Je vais vous expliquer maintenant comment passer de la forme en masse ou verbe de la forme masse à la forme en te. En d'autres termes, nous voulons obtenir la forme en te, oboete, à partir du verbe oboemasu. Le schéma de base consiste à changer masse en te. Prenons par exemple un verbe qui signifie manger. Tabemasu. Sa forme en te est tabete. Donc, tabete kudasai signifie s'il vous plaît manger. Regardez ce dit. Mimasu. Sa forme en te est mite. Ainsi, mite kudasai signifie veuillez regarder quelque chose. Faire se dit shimasu. Sa forme en te est shite. Donc, shite kudasai signifie veuillez faire quelque chose. Venir se dit kimasu. Sa forme en te est kite. Donc, kite kudasai signifie veuillez venir. Essentiellement, vous obtenez la forme en te simplement en remplaçant masu par te. Simple, non? Les verbes qui fonctionnent de cette manière sont ceux dont la voyelle qui précède masu contient le son e. C'est par exemple le cas de oboemasu. Ce sont aussi les verbes où masu est immédiatement précédé du son i. Pour ce qui est des autres façons de construire les verbes en te, nous vous les expliquerons dans la prochaine leçon. Les verbes de la forme te peuvent constituer la première difficulté dans l'apprentissage du japonais. Faisons de notre mieux pour surmonter cet obstacle. C'était notre rubrique « Enseignez-nous, professeur ». Voici maintenant notre rubrique « Les mots descriptifs des sons » qui vous permet de découvrir ces mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. Essayez d'imaginer ce que ce son représente. Doki doki. C'est le son de quelqu'un qui cogne à la porte ? Non, cela décrit le son d'un cœur qui bat rapidement lorsque l'on est surpris ou anxieux. On peut l'employer aussi pour décrire un cœur qui bat parce qu'une personne est excitée ou dans l'attente. En y pensant bien, dans les mangas également, le héros ou l'héroïne ressent souvent ce doki-doki lorsqu'il ou elle devient nerveux en parlant à la personne qu'il ou elle aime. Il existe aussi un mot pour exprimer la surprise. Doki. On emploie souvent doki lorsqu'on est pris de court. Dans notre rubrique « Mots descriptifs des sons » aujourd'hui, nous vous avons fait découvrir « Doki Doki » et « Doki ». Avant de terminer, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est la rubrique « Les tweets d'Anna ». J'ai entendu dire que nous aurons aussi des jeux questionnaires en plus des examens finaux. Je me demande quand nous aurons ce premier jeu questionnaire. Je me sens doki-doki. Avez-vous apprécié la leçon 8? Notre phrase clé aujourd'hui était... Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? La semaine prochaine, nous vous parlerons de la vie d'étudiante d'Anna. Retrouvons-nous à notre prochaine leçon.